Isanganiro. Eli ni belle, ni vigira. Et les manettes sont très bien tenues par Eli Kadogo. Bonjour et bienvenue à son journal, la grande édition de la mi-journée de ce 19 juillet 2018. D'abord les grands titres. Le ministère de la Sécurité publique et la gestion des catastrophes prévoient redoubler l'effort dans la rigueur à l'endroit de la vente des boissons prohibées. Lors de la présentation des réalisations de son ministère, le secrétaire permanent a indiqué que la sécurité se porte bien sur toute l'étendue nationale. Vous l'entendrez. Le programme de réduction des dépenses budgétaires, dit Chahoua Zéro, a connu sept principaux défis. Parmi eux, l'Institut DEC, dans son rapport annuel de 2007, revient sur l'augmentation des exonérations. Et dans la chronique judiciaire, on reviendra sur l'examen périodique universel en vue de mieux faire respecter les droits de la personne humaine, un examen fait par l'ONU. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, ouvrons ce journal par la page sécurité. Le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes dit que la sécurité a été bonne pour le deuxième trimestre 2018. 62 cas d'assassinats liés au conflit foncier ont été observés, a indiqué le secrétaire permanent au sein de ce ministère ce jeudi lors de la présentation des réalisations du ministère de la Sécurité publique. Cependant, Melkiad Rucheke, commissaire principal de la police, précise que la police va renforcer ses stratégies pour lutter contre les boissons prohibées. Suivez-le. Au cours de ce trimestre, la situation sécuritaire a été globalement bonne sur le territoire national. Toutefois, la police a relevé certains cas de criminalité et de terrorisme, constitués notamment de l'attaque terroriste de Rugalika en commune Ouganda de la province de Chibitoke. 62 cas d'assassinats liés pour la plupart au conflit foncier, à l'ivresse et aux croyances superstitieuses comme la sorcellerie. 19 cas de détention illégale d'armes à feu, 1200 cas de vol qualifié avec 8 cas de vol à main armée, 13 cas 113 cas de rébellion, 67 cas d'empoisonnement, 7 cas de suicide et 117 cas de vente et de consommation de stupéfiants. L'action proactive et réactive de la police s'est montrée inlassable, effective et fructueuse, notamment à travers ses opérations de prévention, d'intervention et de répression. Dans le cadre de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, la Commission nationale de désarmement CENAP a procédé au marquage pour la destruction de 1260 armes saisies, remises ou récupérées. Aussi, 110 armes d'assaut, 5 armes de poing, 21 grenades, une roquette, 2553 cartouches et 66 chargeurs ont été récupérés à partir des différents commissariats de police et stockés au dépôt. Dans le domaine de la police de proximité et assistance aux vulnérables, le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes a octroyé une assistance en vivres et produits d'hygiène pour les victimes des inondations de la zone Buterere et Gatumba après avoir remis dans son lit la rivière Mutimbuzi qui avait causé ces sinistres. Pour terminer, le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes réitère encore une fois son engagement indéfectible dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme sous toutes ses formes. Pour ce troisième trimestre, une attention particulière sera concentrée sur la lutte contre les boissons prohibées compte tenu de leurs conséquences désastreuses, notamment sur le plan sécuritaire et sanitaire. Et le commandant de la police de sécurité routière, PSR, dit que la rafle que l'on est en train de mener contre les motards en mairie de Bujumbura vise à vérifier s'ils sont en ordre. PSR 1, Roger Wanghibiguira, dit cela au moment où certains conducteurs de moto se plaignent de l'opération qu'ils considèrent comme illégale, du moment que même ceux qui sont en ordre voient leur moto saisie. Suivez-le, il est au micro de Processus Shingiro. Il a été remarqué qu'un bon nombre de motards opèrent dans toute légalité. Alors, on est en train de ramener les motards à l'ordre en leur exigeant de remplir toutes ces conditions. Et on se félicite qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions, même si les gens peuvent se lamenter qu'on les retarde ou qu'ils perdent leur temps alors qu'ils seraient en train de gagner de l'argent. Mais nous voulons que ce métier soit exercé dans des conditions sécuritaires. optimale. Certains disent qu'ils sont arrêtés alors qu'ils possèdent tous les documents. Leurs motos sont saisies par la police et sont obligés de payer une somme supérieure à 30 000 francs pour pouvoir récupérer leur moto. Qu'est-ce que vous en dites? Quand on organise une rafle du genre, ça concerne toutes les motos. Et après vérification minutieuse, celles qui sont en ordre sont relâchées immédiatement et ceux des conducteurs qui ne sont pas en ordre, on leur transige une amende et on les oblige de remplir ces conditions, de chercher les documents qui manquent ou de se munir de tout ce qui est requis. Est-ce que cela ne risque pas de favoriser la corruption au moment où il y a certains qui disent qu'ils payent leur argent et ne reçoivent pas un document qui justifie ce paiement? Il est connu de tout le monde et de notoriété publique que lorsqu'une amende est transigée, le contrevenant reçoit une contravention, il y se rend au guichet de l'OBR pour payer avant de présenter la quittance de l'OBR à nos bureaux afin de récupérer soit les documents saisis, soit les véhicules saisis. Et toujours la sécurité routière, des poteaux de feu de signalisation en zone urbaine de Buyenzi ont été endommagés. La situation est à l'origine d'accidents routiers, selon certains usagers qui s'étaient déjà habitués à ces feux tricolores. Ils demandent le remplacement de ceux qui ont été endommagés. Le point avec Vestine Boutoui. Passant par le boulevard du 1er novembre dans la zone Buyenzi, en mairie de Bujumbura, un poteau portant les feux de signalisation a été endommagé. De là, à une petite distance, on est à l'avenue, passant tout juste à côté de la Brahoudi. Un autre poteau de signalisation s'y trouvant a été de même endommagé. L'origine de la destruction de ces poteaux de feux de signalisation est la collision de certains camions contre ces poteaux, indique un des usagers de ces routes. Un camion rouge sans frein est survenu. Ce chauffeur l'a constaté tardivement, craignant d'entrer en collision avec une autre voiture. Le conducteur a préféré le cogner contre un poteau portant les feux de signalisation, ce qui a endommagé ce poteau. Sur toutes ces routes, là où il y avait deux poteaux parallèles de feux de signalisation, reste un seul poteau. Et cela peut causer quelquefois des accidents de roulage, ajoute-t-il. Il y avait un camion de la Brahoudi qui était garé. À cet instant, un autre camion de Buseko est survenu. Le chauffeur du camion garé a ouvert sa porte sans tenir compte des feux tricolores et par conséquent, l'autre camion de Buseko s'est cogné contre la porte ouverte et celle-ci a été endommagée. Il demande aux concernés de remplacer ceux qui sont déjà endommagés pour faciliter la circulation dans ces routes. Nous remercions d'abord ceux qui ont fait cette initiative de mettre en place les feux de signalisation. Ensuite, nous leur demandons de remplacer ceux qui sont déjà endommagés pour nous faciliter la circulation. Les usagers de ces routes indiquent que ces poteaux portant les feux de signalisation ont été endommagés il y a 2 mois et ont été déplacés. Merci Vestine Boutoui. Après cette courte pause, parlons gouvernance. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h06, parlons gouvernance. Comme je vous le disais tout à l'heure, la politique de Charroi Zéro a fait face à 7 défis importants selon un rapport de l'Institut de développement économique du Burundi, IDEC, en sigle. Parmi ces défis figure l'accroissement du nombre d'ayants droit aux indemnités kilométriques, ainsi que la difficulté de renouveler et d'entretenir le Charroi de l'État restant. Les détails avec Oban Nyonguru. Cette politique avait pour but de réduire les charges de l'État liées à la gestion de son parc automobile. L'initiative de la réforme du transport administratif au Burundi est partie d'un constat des dysfonctionnements liés à la problématique de la gestion du charroi de l'État, dont les abus d'utilisation du charroi de l'État, le mauvais entretien, la surfacturation des frais de réparation ainsi que la mauvaise gestion et coûts excessifs à charge du trésor public. Mais cette politique n'a pas produit les effets escomptés, comme le confirme le ministère de la Bonne Gouvernance. Selon l'IDEC, les défis rencontrés sont entre autres la non-appropriation de cette réforme par les décideurs, les difficultés de payer régulièrement les indemnités kilométriques mensuelles accordées aux ayants droit, la politique du charroi zéro qui n'a touché que 20% du charroi de l'État, le gros des véhicules de l'État se trouvant dans les ministères de la Défense nationale et de la Sécurité publique, ainsi que les administrations déconcentrées qui n'étaient pas concernées par cette politique, ainsi que la difficulté de doter les avantages aux ayants droit nouvellement nommés. Au total, une soixantaine de véhicules devraient seulement être gardés à la charge de l'État. L'IDEC sollicite un appui technique de la part du ministère ayant les finances dans ses attributions pour mener une enquête d'opinion sur le niveau d'efficacité auprès des responsables des ministères et institutions ayant appliqué la politique de Charroi Zéro. Merci, Oban. Nyonghure 46 réfugiés burundais sont rentrés hier, mercredi, de Kando Kakuma au Kenya. Glorio Zeberahino ayant en charge le rapatriement au sein du ministère de l'Intérieur fait savoir que ces 9 ménages sont originaires des provinces Kayanza, Gitega, Muyinga, Ruigi et tous sont déjà retournés dans leur province d'origine. Glorieuse Verahino indique que le dernier round pour ce courant de rapatriement des Burundais venant du camp de Kakuma sera le 25 juillet. Le 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement membres du COMESA du marché commun d'Afrique de l'Est et Australe se dote d'un nouveau secrétaire général. La Zambienne Chileche Kapwepwe remplace le Zimbabwean Cindy Songwenya qui termine son mandat. De plus, ce sommet a approuvé ce mercredi l'adhésion de la Tunisie à cette organisation commerciale régionale. La Tunisie qui devient ainsi le 20e pays membre du COMESA. Mais qui est cette femme nouvelle secrétaire générale du COMESA? Les points avec Khalid Ndaiket. Chileche Mundu Kapwepwe, nommée à la tête du marché commun des États de l'Afrique orientale et australe, est la première femme à diriger cette organisation. Elle est âgée de 60 ans et originaire de la Zambie. Chileche est fille de Salomé Kapwepwe, qui a été vice-président de la République en Zambie de 1967 jusqu'en 1970. Son père avait été locataire de la prison pendant 5 ans, accusé de détention illégale d'armes. Chileche Mundu est jumelle de Mulenga Mundu Kapwepwe, qui est écrivain et fondateur de Zambian Women's History Museum, une association culturelle. Chileche est détentrice d'un diplôme de master en administration des affaires. Avant d'être la nouvelle secrétaire générale du COMESA, Chileche occupait le poste de directrice de l'Office des recettes Zambian Review Authority. À côté de cela, Kapwepwe a été au Fonds monétaire international FMI ainsi qu'au sein de la Société générale de surveillance à Genève. Chileche Mundu Kapwepwe remplace Cindy Songwenya qui était à la tête du COMESA depuis 2008. Merci Ali Dandaïkeza. Je vous rappelle que le porte-parole adjoint du président de la République avait indiqué que ce qui ressortira de ce sommet n'engage pas le Burundi parce que, explique-t-il, ce sommet est illégal. Un enfant du nom d'Ondouayezu, Jesse Dan Aymar, a un tumeur au niveau du cerveau. Âgé de 8 mois, le petit vient de passer 4 mois à l'hôpital militaire de Kamenge, bâtiment mère-enfant. Le docteur Ninhunzeji, le pédiatre, l'un des médecins qui ont suivi de près ce babin, fait savoir qu'il est urgent que Jesse Dan soit transféré à l'étranger. Sa famille dit n'avoir pas de moyens pour les soins à l'étranger et demande ainsi à toute âme charitable d'aider pour que Jesse retrouve sa santé. Les détails avec Mireille Kanyang. Elle demande à toute âme charitable d'aider pour des soins urgents à l'étranger en France. Serehema Estella, mère d'Ondouayezu Jesse Den Aymar, natif de la zone urbaine de Nyakabiga. Avoir cet enfant couché sur ce lit d'hôpital depuis 4 mois, l'on ne se rendrait pas compte qu'il est malade. Il est gros, il a un teint clair. Il se tourne, se couche, se recouche sur le dos, sur le ventre. Mouvement volontaire, il regarde mais il ne voit pas. Il a des ganglions sur la tête, derrière les oreilles. Il ne peut pas s'asseoir. Des médecins, pédiatres et neurologues ont consulté ce nourrisson. Ils ont trouvé une tumeur au niveau du cerveau, indique le docteur Egide Ninhunze, un de ses médecins. Il nous est arrivé ici à l'hôpital militaire de Kamenge. Il avait des problèmes de convulsions. Lorsque on était en train de faire des examens pour chercher la cause, cause de ces convulsions, on a découvert qu'il s'agit d'une tumeur cérébrale, une tumeur au niveau du cerveau. Et c'est la tumeur qui est responsable de tous ces problèmes-là, des convulsions. Je dois aussi vous dire que l'enfant a aussi un problème de vision. Et nous pensons que c'est toujours dû à cette tumeur. Alors, on a essayé de faire une prise en charge à notre niveau, mais le traitement radical de cette maladie, c'est la chirurgie. Il faut faire une excérèse de la tumeur. La mère du petit Jesse Denaimar fait savoir que ni elle ni son mari, personne ne travaille et demande de l'assistance afin de sauver cet enfant. Le docteur Ninhunze indique que l'opération chirurgicale de cette tumeur au Burundi n'est pas possible vu ses dimensions. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas possible. On a contacté d'autres médecins, les médecins les neurochirurgiens qui sont disponibles ici au Burundi, mais ils nous ont dit que vu donc les dimensions de la tumeur, il n'est pas possible de faire un traitement chirurgical complet chez cet enfant ici au Burundi, et raison pour laquelle l'enfant devrait être transféré à l'étranger. Pour toute âme charitable, cet enfant est alité dans le bâtiment mère-enfant, dans la chambre numéro 308 à l'hôpital militaire de Kamenge. Merci Mireille Kanyangé. Avant de passer à la chronique, les quatre porte-parole des institutions de l'État sont en une visite à la frontière burundo-rwandaise, Gasenyi Nemba, en commune Kirundo. C'est dans le cadre de voir la situation des réfugiés et ceux des refoulés venant du Rwanda. Ces porte-parole sont entre autres celui du gouvernement Philippe Nzobonariba, celui du président Jean-Claude Ndenzako Karegwa, Pierre Nkurikiye du ministère de la Sécurité publique. Et c'est lui du ministère de l'Intérieur. Radio Isanganiro, chronique justice. Vous l'avez reconnu à travers l'indicatif, les États membres des Nations Unies sont suivis dans le mécanisme de l'examen périodique universel en vue de mieux faire respecter les droits de la personne humaine. Professeur Régis Demanilakiza, un consultant dans le domaine, explique que l'organe compétent à savoir, le Conseil des droits de l'homme, a été mis en place en 2007 en remplacement d'une commission considérée jusque-là comme inefficace. Il dit que ce mécanisme a le souci de suivre de près le respect des droits de l'homme dans le monde. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Boukayenet. La situation des droits de l'homme de tous les pays membres des Nations Unies est examinée tous les 4 ans. Il s'agit de l'examen périodique universel, un mécanisme mis en place en 2006 suivant une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. L'organe compétent à ce sujet étant le Conseil des droits de l'homme, explique le professeur Egide Manirakiza. L'examen périodique universel, en abrégé EPU, est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a pour mission de passer en revue tous les 4 ans l'ensemble des réalisations des droits de l'homme pour tous les États membres de l'ONU. Ce mécanisme a été créé avec une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006. Ce conseil est venu suivant une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2007 en remplacement de la Commission des droits de l'homme qui n'examinait pas les États de façon égalitaire. Cette commission a existé depuis les années 1945 avec la mise en place de l'ONU, et après la commission en question a été jugée inefficace pour plusieurs raisons, notamment par exemple le fait que cette commission n'examinait pas tous les États au même pied d'égalité. Le Conseil des droits de l'homme doit désormais examiner équitablement les États membres des Nations Unies, selon toujours Manirakiza. Avec ce mécanisme nouveau, l'examen périodique universel, tous les États sont examinés et au même pied d'égalité. D'abord, pourquoi est-ce que c'est périodique? C'est parce que c'est analysé pendant 4 ans. Tous les États sont évalués. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle universel? C'est parce que ça concerne tous les États du monde entier. Pour pouvoir examiner ces États tous les 4 ans, le Conseil des droits de l'homme de Genève établit un programme. Le Burundi a déjà connu 3 examens. Donc on fait un programme et chaque État est connu quand il sera examiné pour se préparer. Le Burundi a déjà fait 3 examens, a été évalué en 2008 et ensuite en 2013. Et très récemment en 2017. Et alors le mondial va être examiné alors après 4 ans et de suite. Le but du mécanisme de l'examen périodique et universel est d'améliorer la situation des droits de l'homme dans chacun des États membres des Nations Unies. Ces États ont l'obligation de mettre en place des lois y relatives. Ils ont notamment l'obligation de prendre des mesures pour assurer une réalisation effective des droits de l'homme inscrits dans les traités auxquels ils sont partis. Alors, ce mécanisme alors vise à vérifier quels sont les efforts, qu'est-ce que les États ont fait pour assurer la mise en œuvre des droits et qui sont inscrits dans les traités auxquels ils sont partis. Mais quels sont les droits de l'homme faisant objet de l'examen périodique universel? Ce spécialiste des droits de l'homme en donne des exemples. Ce sont les droits civils et politiques, notamment le droit à la vie, la liberté d'expression, la liberté de religion, et ainsi de suite. Et c'est aussi les droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au travail, et ainsi de suite. Donc bref, on analyse tous les droits de l'homme. Un rapport issu de l'examen périodique universel est dressé après différentes étapes, l'état examiné étant associé au cours de ces phases. C'est ce qu'expliquera le professeur Egide Manirakiza dans la prochaine chronique. Merci à Alain Désiré Wukene, c'est par ici qu'on va mettre fin à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à Eric Kadogo pour la mise en onde. Eli Nibel Nibigira, c'était un plaisir pour moi de vous le présenter. Excellent après-midi à tous, au revoir.